À 7 heures, Lisbeth revenait chez elle en omnibus, car il lui tardait de revoir Venceslas, de qui depuis une 20aine de jours elle était la dupe, et à qui elle apportait son cabas plein de fruits empilés par Crevel lui-même, dont la tendresse avait redoublé pour sa cousine bête. Elle monta dans la mansarde d'une vitesse à perdre la respiration, et trouva l'artiste occupé à terminer les ornements d'une boîte qu'il voulait offrir à sa chère Hortense. La bordure du couvercle représentait des hortensias dans lesquelles se jouaient des amours. Le pauvre amant, pour subvenir aux frais de cette boîte qui devait être en malachite, avait fait pour Florent et Chanor deux torchères, en leur en abandonnant la propriété, deux chefs-d'œuvre. Vous travaillez trop depuis quelques jours, mon bon ami, dit Lisbeth en lui essuyant le front couvert de sueur et le baisant. Une pareille activité me paraît dangereuse au mois d'août. Vraiment, votre santé peut en souffrir. Tenez, voici des pêches, des prunes, de chez Monsieur Crevel. Ne vous tracassez pas tant. J'ai emprunté 2000 francs, et à moins de malheur, nous pourrons les rendre si vous vendez votre pendule. Cependant, j'ai quelques doutes sur mon prêteur, car il vient d'envoyer ce papier timbré. Elle plaça la dénonciation de la contrainte par corps sous l'esquisse du maréchal de Montcornet.